Israël reprend la route dans la nuit. Les promesses marchent avec les troupeaux. Il s'arrête pour offrir des sacrifices avant de quitter le sol de ses pères trop tôt. Et tu parles dans les visions nocturnes. N'aie pas peur de descendre là-bas, car je ferai de toi une grande nation, même en terre étrangère sous mes pas. Même quand la promesse change de décor, ta présence ne change pas. Même en Égypte, tu restes Dieu. Même en terre étrangère, tu conduis. Tu descends avec nous dans nos saisons et tu remontes nos vies. Même en Égypte, tu restes Dieu. Quand tout devient nouveau, ta promesse ne se perd jamais. Quand nos routes changent de niveau, les noms des filles.